Béline, la deuxième femme d'Argan, réaffirme sa volonté de voir Angélique au couvent. Et, après maintes cajoleries pour Argan, obtient de lui, devant notaire, la promesse d'une grosse somme d'argent. Peu après, Cléante, se faisant passer pour professeur de musique, échange avec Angélique en chanson un beau dieu d'amour en présence d'Argan et de Thomas Diafarus, le gendre idéal pour Argan, que le père est venu présenter à Argan et Angélique.